J'arrive à la SEDIC. J'ouvre la porte. Je me présente devant le guichet. Pas d'assédic. Une femme m'a abordé. Pas d'assédic. J'ai dû remplir un dossier que j'avais pas imprimé. Pas d'assédic. Pas d'assédic. Elle me rit au nez. Je me sens tout gêné. Pas d'assédic. Elle me demande le dossier. Je lui remets tout ce que j'ai. Pas d'assédic. Elle commence à pianoter sur son ordinateur. Pas d'assédic. La dame me dit de me déshabiller. Commence à m'embrasser. Merde, où j'avais déjà tête. C'est la version X. Pas d'assédic. Pas d'assédic. Et merde. Enfin bref, il me reste la santé.